Ce podcast bénéficie du soutien de Non-Violence 21, Sortir de la violence et du Cénac. Il vit aussi grâce à vos dons, qui m'aident énormément. Merci et ne lâchons rien. Il vit enfin au travers d'ateliers et de conférences interactives dans lesquelles je présente mon approche globale, poétique et radicale de la non-violence. Contactez-moi si vous êtes intéressé sur le site force-nonviolence.fr. J'ai la joie aussi de vous annoncer la création d'un parcours en ligne pour approfondir la non-violence, INOVA. Cette formation proposée par l'association Management Humain Durable est l'occasion de s'approprier un outil précieux évoqué plusieurs fois dans ce podcast, la roue du changement de regard. Les liens pour me soutenir et pour découvrir cette initiative sont dans le descriptif de l'épisode. Belle écoute! C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Aïssa. Freud est passé tout près. Grâce à ses nombreuses patientes qui lui révélaient leurs souvenirs insupportables, il a failli soulever le voile de l'inceste, comprenant que ce qu'on appelait hystérie n'était que le résultat d'agressions sexuelles subies dans l'enfance. Mais devant l'accueil glacial de la société viennoise à sa découverte, il préféra renoncer et élabora son fameux et funeste complexe d'Édipe, qui fit et fait toujours tant de mal aux victimes d'abus sexuels. Le psychanalyste avait oublié cependant qu'à l'origine du mythe d'Édipe, il y a une faute, non pas celle du fils tuant son père et épousant sa mère, mais celle du père Laios, qui avait attiré sur lui et sa famille la malédiction en violant un enfant, justement. René Girard, lui, n'a jamais cru qu'Édipe était coupable. Pour cet anthropologue et philosophe français, tout portait à croire que le roi de Thèbes est une victime sacrificielle, un bouc émissaire qui va prendre sur lui tous les maux de la société afin d'en expulser le mal. Dans cet épisode, je rencontre Hervé Von Baren, un spécialiste de René Girard qui non seulement connaît la fameuse théorie de ce partisan de la non-violence absolue, mais qui poursuit ses travaux, notamment dans le domaine de la violence absolue, l'inceste. Ingénieur de métier, Hervé Von Baren rejoint il y a plusieurs années l'association belge Sortir de la violence et en devient l'un des formateurs tout en se passionnant pour l'œuvre de René Girard, au point d'être aujourd'hui l'un des principaux contributeurs du blog L'Émissaire qui commente l'actualité à la lumière de la théorie mimétique. Cette théorie m'a personnellement bousculée. Et si vous ne connaissez pas la pensée de René Girard, cet épisode pourrait aussi choquer certaines de vos croyances ou convictions. Hervé Von Baren, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? D'abord, c'est une rencontre, je pense. Ensuite, c'est un choix. Et à partir du moment où le choix a été fait, c'est un cheminement. Un cheminement pas très confortable, en fait. Ça, c'est mon expérience de la chose. Parce que la non-violence, au début, on peut se dire, c'est un idéal. Mais assez rapidement, on se rend compte qu'on va être confronté à sa propre violence. Et ça, c'est vraiment pas confortable du tout. En préparant cette interview, vous m'avez dit ne pas supporter la version bisounours de la non-violence. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Quand on me présentait la non-violence comme la façon d'être des gentils, quoi. Et il suffirait de faire un gros effort pour ne pas être violent. Ce n'est pas vrai du tout, en fait. Donc, c'est un mythe. C'est le mythe de l'humain fondamentalement gentil. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Vous ne croyez pas à ce mythe ? Alors, absolument pas. D'accord. J'en suis vraiment totalement revenu. Alors, votre première rencontre avec la non-violence est passée par l'association Sortir de la violence. Ariane et Benoît Tyran, qui sont passés dans votre podcast, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et je crois que vous avez eu une autre prise de conscience un peu au même moment. Alors, pour l'anecdote, en fait, j'étais en train de traverser la France du nord au sud, tout seul dans ma voiture. Je m'embêtais comme un rat mort. Et je suis tombé sur une émission, alors je ne sais plus si c'était France Inter ou France Culture, mais c'était 2 heures sur René Girard. Et je ne sais pas, j'ai été foudroyé. Quoi. C'était vraiment une expérience incroyable, une expérience spirituelle presque. Alors que c'est une théorie, quoi. C'est très intellectuel. Alors qu'est-ce qui vous a tant bouleversé ? Justement, ça rejoint un petit peu ce refus de tout cet héritage rousseauiste que l'homme est fondamentalement bon et qui serait perverti par une société qui ne serait pas au niveau de cette bonté. Pour Girard, ce n'est pas la bonté qui prédomine chez nous. On a, je le dis avec mes mots, mais on a un bug dans notre nature humaine. Et c'est la violence. Vous appelez ça un bug ? Et moi, j'appelle ça le bug de la nature humaine. C'est vraiment le petit défaut dans notre programmation. Et quand je dis le petit défaut, disons que c'est le gros défaut dans notre programmation. Alors, comment expliquer René Girard ? Parce que c'est quand même complexe. Est-ce que vous pouvez, vous, résumer les points principaux de sa théorie pour un peu faire passer le message global ? Oui. Donc, Girard, il commence sa carrière d'intellectuel à la renommée internationale par un livre qui s'appelle « Mensonges romantiques et vérités romanesques » dans les années 60. Et il s'est rendu compte, puisqu'il était professeur de littérature dans une université américaine, il s'est rendu compte qu'il y avait un point commun dans tous les romans des bons romanciers. C'est comme ça qu'il présente ça. Les bons romanciers, ils nous montrent le désir comme quelque chose de profondément mimétique, alors que les mauvais romanciers sont aveuglés par le mirage romantique. Le mirage romantique, c'est quoi ? Ben, c'est que nos désirs, ils viennent du plus profond de notre être. Pour Girard, c'est pas du tout le cas. Les désirs sont toujours copiés sur les désirs des autres. Donc, ce qu'il appelle un objet de désir, mais qui peut être un objet matériel, tout comme un poste de pouvoir, tout comme un amour, etc. Ces objets nous sont toujours désignés comme des objets de désir par quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas cette tierce personne, que Girard appelle le médiateur, il n'y a pas de désir. On pense toujours qu'on va être attiré par cette magnifique femme ou par cette voiture de sport tout à fait fascinante, ou par ce poste que tout le monde veut s'arracher, parce que l'objet a une valeur en soi. Mais ce n'est pas vrai, nous dit Girard. Hein. C'est vraiment la valeur, elle est donnée par le désir des autres. Et la conséquence de ça, c'est qu'on est constamment en rivalité les uns avec les autres pour la possession des objets de désir. Et pour Girard, ça, c'est la clé de la violence humaine. Je résume très fort. Hein. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il dit par rapport au fait de tomber amoureux ? Enfin, c'est quand même quelque chose d'un peu mystérieux qui ne nous paraît pas être dicté par un désir mimétique. Alors, ben, je vais donner un exemple. Hein. C'est justement dans les grands romans que Girard va trouver la vérité cachée derrière ce mythe. Et il va montrer, par exemple, alors je ne sais plus exactement dans quel roman c'est, je crois que c'est Stendhal, où le héros cherche absolument à conquérir une jolie femme de son entourage, mais elle a vraiment que mépris pour lui, elle ne veut rien entendre, jusqu'au jour où il va réussir à séduire une autre femme. Et tout à coup, le désir de la première s'éveille pour lui. Et voilà. Donc ça, c'est l'exemple typique, c'est que notre désir va s'éveiller parce qu'on voit une rivalité s'installer pour la possession d'un objet de désir. Et alors, il cite aussi Dostoïevski, où il y a un mari qui est incapable finalement d'aimer sa femme s'il ne voit pas un autre homme la désirer. Et comme toujours chez Dostoïevski, ça va jusqu'à la folie, puisqu'il jette littéralement sa femme dans les bras de son rival. Il a besoin de ça pour aimer sa femme. Autant d'un point de vue collectif, c'est quelque chose qui me parle, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne désire que ce que... Alors maintenant, je dirais c'est la pub, c'est les réseaux, enfin ce qu'on nous présente comme idéal. Mais on peut aussi justement les rejeter, je dirais, même si c'est plutôt une minorité qui rejette. Autant, c'est vrai que je trouve que ça nie un peu la singularité humaine et c'est quand même un petit peu choquant, quoi. Ah, mais c'est extrêmement choquant, mais c'est bien ça. Tout le système girardien, c'est de nous faire voir le monde avec les autres lunettes. Et c'est pas toujours agréable. Ce qu'il nous montre, c'est pas toujours agréable. Mais il y a quand même une puissance d'explication de toute une série de phénomènes. Et vous citiez les réseaux sociaux, c'est un exemple parfait. Il y a la mode, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument s'habiller en imitant des modèles ? Aujourd'hui, les influenceurs ont un pouvoir absolument considérable sur notre esprit. Tout ça, c'est explicable de manière rationnelle uniquement si on reprend l'hypothèse mimétique. En plus, la science a donné raison à Girard, puisqu'on a découvert les neurones miroirs qui montrent que On a vraiment une résonance entre les actes et les intentions personnelles, individuelles, et celles qu'on constate chez les autres. C'est les mêmes neurones qui s'allument dans les deux cas. Alors moi, j'appelle ça la confusion mimétique. C'est-à-dire qu'à bout d'un certain temps, on ne sait plus très bien si ça a lieu dans notre cerveau ou dans le cerveau de l'autre. Et la manière de sortir de ce paradoxe de notre esprit, c'est de s'approprier l'objet que l'autre nous montre. Mais quand on pense au neurone miroir, moi, il me semble qu'on peut l'appliquer à deux choses. Ça, c'est même montré avec les tout-petits-enfants, c'est-à-dire qu'ils apprennent uniquement par imitation. L'enfant, il n'a même pas besoin de lui dire d'apprendre à marcher, il nous imite. Mais il imite aussi tous nos fonctionnements. Et vous avez tout à fait raison de pointer sur cet aspect-là du mimétisme. Il a été reconnu très tôt, d'ailleurs. Gérard nous montre bien que dès Platon, on avait repéré à quel point l'homme était un animal mimétique. Et ça, c'est le bon côté du mimétisme, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est resté. Parce que dans l'évolution d'une espèce, ben, il y a des bifurcations, il y a des expériences que la nature tente. Et cette expérience du mimétisme, s'il y avait eu que la violence, la branche aurait disparu depuis longtemps. Donc, si on est encore là, et même si on est l'espèce qui a conquis la biosphère terrestre, c'est parce que c'est extrêmement efficace, cette qualité d'apprentissage du mimétisme. Ce mimétisme n'existe pas ou beaucoup moins chez les animaux ? L'éthologie montre que tous les mammifères ont une part de mimétisme. Tous les mammifères ont des neurones miroirs. Mais là où on retrouve le plus de neurones miroirs juste avant les humains, qui eux battent tous les records, c'est chez les grands singes. Hein. Mais comme par hasard, on retrouve aussi les premiers comportements de violence chez les grands singes. C'est-à-dire que ce qu'on confond souvent, et j'entends très souvent dire que la violence, c'est un héritage de notre nature de mammifère prédateur. Mais c'est complètement faux. Hein. Quand un tigre mange sa proie, il n'est pas violent. En fait, il est entièrement déterminé dans son comportement par ses instincts. Et nous, ce n'est pas le cas. On est tout à fait capable de s'affranchir de nos instincts pour faire violence à l'autre. C'est-à-dire que les animaux qui sont considérés comme les plus intelligents sont généralement aussi les plus mimétiques. Et on découvre que c'est justement dans ces espèces-là qu'on va trouver des comportements de genre meurtre intra-espèce. Donc, d'après Girard, ça expliquerait en partie notre violence, le désir mimétique, par la rivalité qu'il engendre. Quelles sont ensuite les grandes théories en fait, qu'il développe ? Alors, la deuxième étape, c'est la façon dont l'humanité a survécu à cette violence. Parce que cette rivalité, ben, elle conduit au meurtre, hein, elle conduit à des violences physiques intra-espèces, et ce n'est pas très bon pour l'espèce. Donc comment est-ce qu'on a survécu à ça ? Bien, pour Girard, il va parler de ça dans son second livre, qui est « La violence et le sacré », et il va découvrir ça en étudiant les mythes. Dans tous les mythes archaïques, dans tous les anciens mythes, il trouve un dénominateur commun, le sacrifice. Et le sacrifice, c'est quelque chose qui apparaît quand on a une crise mimétique, d'après Girard. Et c'est quoi une crise mimétique ? Ben alors, on revient au premier volet, à savoir à la violence rivalitaire, hein, la violence mimétique. Mais cette violence, elle ne peut que se répandre dans la société. Les désirs, ils vont se multiplier, et les doubles mimétiques, ce que Girard appelle les doubles, ils vont se multiplier aussi. Et au bout d'un certain temps, dans la communauté, il va y avoir une crise, ce qu'il appelle une crise mimétique, qui va tout doucement se transformer en crise du tous contre tous. J'emprunte la formule, la guerre du tous contre tous, au philosophe Thomas Hobbes. Et cette crise menace la survie même de la communauté. Et on a inventé avec le temps un processus tout à fait vital pour nous, et qui consiste à coller toute la violence sur le dos d'un seul individu. On va l'accuser de tous les maux de la société, toutes les frustrations, toute la colère. Le terme populaire pour ça, c'est le bouc émissaire. Peut-être le bouc émissaire, rappeler que ça vient vraiment d'une tradition hébraïque, d'un véritable bouc. Hein. C'est ça. C'est un rite que les Hébreux avaient mis en place pour expulser le mal de la communauté. Donc c'est un rituel. Et l'idée, c'était de prendre deux boucs. Il y en avait un qu'on sacrifiait sur l'autel, mais l'autre, il était chargé symboliquement de tous les péchés du peuple, et après ça, il était expulsé, il était chassé dans le désert. Et donc, il y a déjà cette symbolique d'expulsion du mal de la communauté. Et donc, si je le dis de manière un peu plus générale, l'humanité a inventé un système pour évacuer sa violence, qui consiste à la faire porter par quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment une loi anthropologique majeure. Savoir que dans toutes les cultures, on retrouve ça. C'est que l'humain va expulser le mal. Par le choix d'une victime qui n'est en général même pas coupable. Qui en général est parfaitement innocente. Alors on a l'impression que c'est des vieux rituels et que ça n'a plus cours aujourd'hui, mais en fait ce phénomène, on le constate partout. On le constate par exemple dans les classes, puisqu'on s'intéresse depuis très peu de temps au phénomène du harcèlement en milieu scolaire. Mais en fait, c'est rien d'autre que le phénomène du bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on a une classe, et quand dans cette classe, il peut y avoir une petite crise à un moment, des mésententes entre les élèves, ou un professeur qui cristallise un petit peu tous les mécontentements, enfin, peu importe la cause, il y a une crise dans cette classe, et bien on va toujours voir le phénomène de harcèlement qui va se déchaîner sur l'individu généralement le plus faible, le moins intégré à la classe. Pas forcément, mais c'est très souvent le cas quand même. Quelqu'un qui présente des caractéristiques, par exemple un étranger qui serait arrivé là, un élève qui serait arrivé au milieu de l'année, quelqu'un qui est timide, qui n'ose pas s'affirmer, etc. Parce que la victime émissaire est toujours choisie parmi les personnes vulnérables, c'est beaucoup plus confortable, on s'expose beaucoup moins à une réaction violente de sa part ou à des protestations d'innocence, et donc c'est mieux pour le groupe. Oui, c'est un peu ce qu'il disait René Girard, c'est qu'au fond, dans la violence, il y a un phénomène de vengeance perpétuelle, c'est-à-dire que s'il y a un meurtre, il va y avoir un contre-meurtre, etc., etc., et que quand on choisit une victime, un bouc émissaire, ça peut s'arrêter, parce que souvent, on choisit la personne qui ne pourra pas se venger, justement. Mais c'est vraiment ça. C'est dans l'objectif d'arrêter la violence. J'ai un exemple, c'est que parfois, moi, je poste des vidéos sur YouTube et alors j'ai été chercher des vidéos de lynchage de Noirs dans le sud des États-Unis à l'époque du Ku Klux Klan. Et donc là, on a l'exemple typique de gens qui sont pris totalement au hasard et généralement accusés d'un crime qui a été commis au sein de la communauté blanche par des Blancs. Mais c'est intolérable d'admettre ça. Parce que c'est remettre en cause toute la pureté de la communauté. Donc on va prendre des innocents, et dans le sud des États-Unis, il s'avère que c'est systématiquement des Noirs qui étaient pris comme victimes. Et alors on trouve des photos du lynchage lui-même. C'est des photos insupportables pour nous, aujourd'hui, avec notre sensibilité. Et ce qu'on voit, c'est une foule réjouie, mais vraiment réjouie. Ils font la fête. Parce que toutes les tensions, toutes les accusations qu'il pouvait y avoir dans la communauté ont été évacuées par le lynchage. C'est-à-dire que ce que Girard a montré, c'est que pour que ça fonctionne, ce mécanisme, il fallait l'unanimité. Toute la communauté doit se retrouver autour d'abord de l'accusation du bouc émissaire, ensuite autour de son meurtre. On exige souvent que chacun jette une pierre, par exemple, dans la lapidation. Et finalement, autour des réjouissances, parce que la paix est revenue. Et dans les mythes Girard a beaucoup insisté sur le mythe d'Édipe, et son interprétation du mythe d'Édipe, c'est qu'Édipe est innocent, en fait. Parce qu'il retrouve dans l'accusation qui frappe Édipe, à savoir la double accusation de parricide et d'inceste avec sa mère, il y retrouve l'archétype de l'accusation du bouc émissaire. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'une fois qu'une foule est vraiment en quête d'un bouc émissaire, la rationalité, la vérité, etc., ça n'a aucune valeur. Et on peut le charger d'absolument tout ce qu'on veut. Plus c'est gros, plus ça marche. Et il pense qu'il n'a pas commis le parricide et l'inceste. Il en est convaincu, parce qu'il dit que c'est vraiment le prototype d'une accusation mythologique. Parce que c'est vrai que dans Œdipe Roi, il y a la peste à Thèbes. Puis l'oracle dit qu'il faut retrouver le meurtrier de Laios, donc qui était le père d'Œdipe. Mais dans le mythe, c'est quand même lui ignorant de sa filiation, qui tue son père et qui couche avec sa mère. Ce qui est intéressant, je pense, par rapport à René Girard, donc à la fois Thèbes qui a une épidémie, mais aussi le fait que dans la crise sacrificielle, il n'y a plus de différenciation. Édipe est à la fois le père et le frère de ses enfants, le mari et l'enfant de sa mère, etc. etc. Et ça, c'est typique d'une crise sacrificielle, c'est ça? Oui, c'est typique d'une crise mémétique ou d'une crise sacrificielle. Les différences sont abolies. Et alors, ce qu'il a aussi vu dans les mythes, c'est que la crise était toujours présentée de manière mythologique. Il y a toujours une métaphore de la crise. On ne vient jamais nous dire qu'il y a une crise des relations humaines. On va camoufler ça derrière des images de catastrophes naturelles, par exemple le déluge dans la Bible. Pour Girard, le déluge est une métaphore d'une crise de la communauté. Et même chose avec la peste à Thèbes. Donc pour lui, Édipe, bah c'est vraiment le bouc émissaire. Et alors c'est un bouc émissaire spécial parce qu'il est, c'est le roi. Oui, bah, il montre qu'en fait le bouc émissaire, c'est souvent quelqu'un qui est hors société, soit par le bas, donc des vagabonds, des miséreux, des handicapés. Mais il parle aussi en effet de par le haut, le roi, qui est fondamentalement quand même différent du reste de la société. On peut se rappeler aussi de la Révolution française ou même de ce qui s'est passé avec les tsars en Russie. Tout ce sacrifice, au fond, de toute la famille royale, est-ce que ce n'est pas aussi une crise sacrificielle ? Tout à fait. Et ça, c'est une constante aussi, c'est que le roi est toujours une victime sacrificielle en sursis. Ils ne sont pas totalement innocents. Non, c'est tout à fait juste. Quand Gérard parle de l'innocence du bouc émissaire, il parle de son innocence par rapport aux accusations mythologiques qui le frappent. Mm. Celles-là, elles sont fausses. Celles-là, elles sont mensongères. Ça ne veut pas dire que la personne est parfaite, évidemment, loin de là. Mais ça me fait un peu penser à ma rencontre avec Philippe Landaine sur la justice restaurative, parce que c'est comme si la société se dédouanait entièrement en isolant, en punissant les criminels et qui sont souvent coupables, hein, mais où la société ne prend jamais ses responsabilités. C'est ça. On continue à expulser le mal, c'est-à-dire à ne pas vouloir porter la part qui nous revient du mal. Et alors l'exemple, c'est un fait divers qui est en train de bouleverser pas seulement la France, d'ailleurs ça va très largement au-delà de la France, c'est le procès Mazan. Oui, de Gisèle Pécaud. Et je pense que ça pose la même question. Et c'est ça qui est assez remarquable et assez nouveau, c'est qu'on ose poser la question de savoir si on a affaire à quelques pervers qui ne sont absolument pas représentatifs de la population, ou si tous les hommes sont des violeurs. Alors évidemment, on est quelque part entre les deux, parce que tous les hommes ne sont pas des violeurs, ça c'est évident. Mais d'un autre côté, c'est exactement ce que vous dites, ça pose la question de notre responsabilité collective dans ce genre de situation, dans ce genre de crime. Et ça pose la question de la nature de la violence, je pense, parce que ça nous amène à considérer que la violence, c'est pas quelque chose qu'on peut faire porter par des individus qui seraient l'incarnation du mal, les monstres. Hein. On ne peut pas faire porter la violence par des monstres, tout simplement parce que la violence, c'est toujours un phénomène systémique. Et c'est ça qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, je pense, avec notamment des affaires comme les viols de Mazan. Ça m'amène à, je dirais, ce qui est encore plus radical dans la théorie de René Girard, et qui est un peu désespérant, il faut quand même l'avouer. C'est son hypothèse qu'il émet dans La violence et le sacré, que... Alors, le sacré, dit-il, c'est tout ce qui maîtrise l'homme, d'autant plus sûrement que l'homme se croit plus capable de le maîtriser. Donc, il parle des tempêtes, des cataclysmes, des épidémies, mais surtout de la violence des hommes eux-mêmes, qu'ils posent comme extérieure à eux. Et donc, il dit, c'est la violence qui constitue le cœur véritable et l'âme secrète du sacré. Donc, il émet l'hypothèse que ce serait la violence qui fonde la société, qui la structure. Et ça me ramène exactement à ce que vous dites, ce côté structurel de la violence, que Dorothée Ducy émet également comme hypothèse dans son livre « Le berceau des dominations », où elle décrit l'inceste, donc, qui est le pire tabou pour l'être humain, et elle le décrit comme structurant de l'ordre social, parce qu'il touche au fond tout le monde. Il est assez banal, c'est une personne sur 10 environ. Et puis, il touche tout le monde parce que, par la loi du silence, il contamine en fait la société entière. Je crois que là, j'arrive à vos propres recherches, qui sont quand même issues de la théorie girardienne aussi, mais sur l'inceste. Qu'est-ce que vous avez finalement découvert ? Alors, j'ai pas découvert grand-chose. Hein. J'essaie de faire un peu la synthèse de ce qu'on découvre en ce moment sur l'inceste. Et c'est tout à fait stupéfiant. Dorothée Ducy, elle a écrit un livre tout à fait fondamental sur le sujet. Et ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, contrairement à toute la mythologie qu'on avait construite sur l'inceste, l'acte lui-même ne détruit pas la famille. Il aurait même plutôt tendance à structurer la famille ou à restructurer la famille après une crise. Et par contre, ce qui détruit réellement la famille, c'est la parole de la victime. C'est-à-dire que tant que la victime est contrainte au silence, eh ben tout va bien. Enfin, tout va bien. C'est très artificiel, hein. C'est pas du tout sain comme situation. Mais la structure de la famille reste intacte et on peut continuer à vivre ensemble. Mais, et c'est très contre-intuitif, c'est dès qu'il y a une parole, donc dès qu'il y a une libération vraiment de la parole, dès que la vérité est dite, alors la famille explose. On ne résiste pas à la parole de la victime. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental pour comprendre le sacré. C'est-à-dire que justement, le sacré, c'est tout ce que nous avons mis en place pour ne pas avoir cette violence. Donc, fondamentalement, c'est toujours basé sur une falsification, un mensonge, une réécriture de l'histoire pour en masquer ce que nous ne voulons pas en voir, et ce que j'appellerais une révélation. Alors, j'utilise à dessein un mot très connoté religieusement, mais on peut très bien l'entendre de manière absolument profane. C'est ce qu'on ne voyait pas, et puis il y a une révélation, après, on le voit. Et bien, c'est exactement ce qui est en train d'arriver avec l'inceste, et c'est stupéfiant. Alors, dans le Talmud, il est écrit que la parole est d'argent et que le silence est d'or. Pourtant, la vérité a toujours besoin d'être dite. Que faire avec ce paradoxe ? Ah ben voilà, c'est vraiment le paradoxe devant lequel on est aujourd'hui. Parce que je pense qu'en fait, tout le progressisme, le mouvement progressiste qui a complètement transformé notre monde et notre vision du monde, c'est un mouvement de révélation. C'est-à-dire qu'il révèle depuis déjà plusieurs siècles toutes les structures de violence qui nous étaient absolument invisibles, qui étaient camouflées par le sacré. Et ce n'est pas du tout un hasard si le progressisme est un grand destructeur du sacré, justement. Mmh. Destructeur des tabous, des conventions, des hiérarchies, etc. Mais ce qu'on n'a pas encore bien compris, c'est à quel point c'était destructeur des ordres humains. Et quand on détruit les ordres humains, ben on est dans le désordre, on est dans le chaos. Et je pense que c'est un éclairage très, très puissant de notre époque. On ne comprend pas pourquoi tout à coup tout devient chaotique et on ne sait pas où va le monde, mais c'est parfaitement logique. À partir du moment où on détruit les structures violentes du monde, on détruit les structures du monde. Et donc on se retrouve dans le chaos. Est-ce que c'est une loi fondamentale, la loi du silence par rapport à l'inceste qui est en train de tomber quand même ? Et c'est ça qui fait tellement peur au fond à la société ? C'est la règle fondamentale de l'inceste, c'est le silence. Et c'est là le paradoxe de la non-violence, c'est qu'évidemment, si on a un petit peu le sens de la justice, on veut casser ce silence, parce qu'il tue la victime. C'est doublement une victime. D'abord, c'est une victime de viol, avec tous les traumatismes que ça peut engendrer. Mais en plus, pour le restant de sa vie, elle va être privée de parole, privée de vérité. Et le pire dans l'inceste, c'est que c'est toujours la victime qui porte la faute. Je lisais ce matin l'interview d'une psychologue profileuse qui a écrit le livre « Le viol au-delà des idées reçues ». Elle s'appelle Danielle Zucker. Et elle dit ceci, « Dans un dossier où les preuves sont en béton et où on a des aveux, on arrive encore à accuser la victime d'avoir en quelque sorte participé sciemment aux faits et de les avoir, pourquoi pas, même encouragés. » Donc, évidemment, on veut sortir de ça. Quand on voit le peu de condamnation, le peu de reconnaissance de leur statut de victime, en tout cas au niveau judiciaire, comment faire ? C'est une très bonne question. Et moi, j'ai eu beaucoup de dialogues dernièrement avec des magistrats, justement, sur cette question-là, sur cette question de l'inceste et de la manière de punir ou d'arrêter, en tout cas, ce mécanisme extrêmement pervers du silence et de la culpabilité de la victime. Mais on est mal pris. Parce que, évidemment, il y a des voix qui s'élèvent en disant, il faut écouter la victime. La victime doit avoir la priorité absolue dans sa parole, etc. Mais c'est contraire au principe même de la justice, qui est toujours une confrontation entre l'accusation et la défense pour établir la vérité. Et tout le monde doit avoir droit de parole dans cette confrontation, sinon on en arrive à une autre forme de totalitarisme et d'injustice. C'est-à-dire que c'est la victime qui va avoir tout le pouvoir contre quelqu'un qui est sans défense. Alors la seule chose qu'on a obtenue, c'est qu'on a inversé les rôles dans ce cas-là. On fait des nouvelles victimes. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'au niveau judiciaire, ce n'est toujours pas le cas. Et je dirais même, je connais aussi des collectifs de mères qui essayent de protéger leurs enfants d'inceste. Certaines vont en prison parce qu'elles refusent de présenter leur enfant. Ouais. Donc, pour l'instant, au niveau judiciaire, il y a toujours le parti pris de l'agresseur. On peut voir ça comme ça, mais en fait, c'est le parti pris de l'agresseur considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est un principe légal majeur. Alors je suis d'accord que ce n'est pas du tout satisfaisant, c'est extrêmement choquant, et en tant que victime, je serais révolté par la façon dont la justice traite ça. Mais la justice est vraiment mal prise. C'est-à-dire que, et on en revient toujours à cette idée d'un monde sacrificiel, et la justice est sacrificielle. Il ne faut jamais oublier ça, la justice fonctionne parce qu'elle est sacrificielle. Parce que ce n'est que parce qu'elle est sacrificielle qu'elle est capable de trancher à un moment, de décider qui est coupable et qui est innocent, et d'arrêter le cycle infernal de la violence, à la condition qu'on respecte son caractère sacré. Et toutes ces conditions sont en train de disparaître en ce moment. ce qui rend le rôle, enfin la mission de la justice presque impossible à remplir. C'est pour ça qu'on est dans une grande crise de la justice aussi. Peut-être faut préciser, c'est-à-dire que le système judiciaire finalement remplace le rituel sacrificiel et permet que la vengeance ne soit pas éternelle. Voilà, c'est-à-dire qu'on trouve le coupable, on le punit et c'est terminé. C'est ça, c'est le rôle de la justice. Et encore aujourd'hui, elle fonctionne comme ça, même si c'est encore une fois très bien camouflé avec nos institutions modernes, etc. Mais c'est comme ça qu'elle fonctionne. Oui, mais là, on omet quand même de dire que la justice a été faite par les hommes, pour les hommes, et qu'elle prend systématiquement le parti des hommes en cas de viol et en cas d'inceste. Oui, parce qu'on va retrouver une autre structure qu'on retrouve dans tous les systèmes sacrificiels, c'est le patriarcat. Parce que ce que Girard montre, c'est que pour qu'une société humaine puisse survivre à sa violence, pour qu'elle puisse faire société, il faut une différenciation. Donc il faut nécessairement une forme de hiérarchisation de la société, ou à tout le moins des différences marquées entre individus. Et par exemple, dans certaines ethnies, aujourd'hui, on voit que ces différences, elles sont surtout d'un ordre religieux ou spirituel. Parce qu'on a le sorcier qui est le détenteur de tous les secrets de l'univers, et puis on a le guérisseur, etc. Et à la limite, cette hiérarchie-là a plus d'importance que les hiérarchies qu'on connaît, nous, dans nos sociétés occidentales, notamment le patriarcat, hein, qui est une forme très dure de hiérarchisation de la société, d'abord entre hommes et femmes, mais aussi entre, on ne le dit pas assez ça, mais aussi entre anciens et jeunes, hein, entre adultes et enfants. Là, ça nous ramène à vos travaux, puisque vous avez découvert une signification sans doute dérangeante d'un passage de la Bible. En tout cas, vous avez une hypothèse sur ce passage que je vais lire. C'est dans la Genèse. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ces trois-là sont les fils de Noé. C'est à partir d'eux qu'on se dispersa sur toute la terre. Noé devint cultivateur et il planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et s'exposa nu à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et recouvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient le visage, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit « Maudit soit Canaan ». Voilà, il maudit non pas son fils, mais son petit-fils. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce passage qui est pour nous un peu sibyllin ? Alors oui, moi, je suis arrivé à ça par hasard, mais pas tout à fait par hasard, parce que je me suis rendu compte que le fils de Noé, Cham, qui était accusé de quelque chose de pas net, pas très clair dans le texte, de quoi il est accusé d'ailleurs, mais quand on va creuser un petit peu, on se rend compte qu'il est accusé d'inceste sur son père. Et alors ça m'a tout de suite heurté, cette hypothèse, parce que tout simplement, c'est pas réaliste. Dans la réalité, c'est jamais les fils qui violent leur père, c'est toujours l'inverse. Et donc je me suis rendu compte que ce passage, eh bien, il nous racontait justement l'histoire du point de vue du système sacrificiel. Du point de vue de l'agresseur, du patriarcat, mais aussi de la mère qui défend généralement le mari contre son enfant, etc. Alors c'est incompréhensible, évidemment, c'est extrêmement choquant. Mais donc la Bible nous raconte l'inceste le plus banal qui soit, c'est-à-dire l'inceste d'un père contre son fils, mais il nous la raconte avec le langage mythologique, c'est-à-dire en déformant complètement et en transférant la culpabilité du coupable réel, qui est le père, vers le fils. Et à peu près au même moment où j'ai ce déclic de cette manière de lire la Bible, qui est une désacralisation radicale du texte, j'ai lu le livre de Dorothée Ducy, Le berceau des dominations, et alors là, c'était la stupéfaction totale, parce que je me suis rendu compte que Dorothée Ducy nous disait exactement la même chose. Mmh. Donc un texte qui a 2600 ans d'ancienneté, qu'on considère comme sans valeur d'un point de vue justement de révélation anthropologique, se révèle à nous au même moment que cette connaissance perce le mur d'ignorance qui jusque-là recouvrait le phénomène. Et ça m'a stupéfié quand je me dis mais comment c'est possible? Ça peut pas être une coïncidence. Il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui qui s'est jamais passé dans toute l'histoire de l'humanité, qui est une révélation de la réalité de la violence que jusque-là, on n'avait pas eu le courage ou pas eu la capacité de regarder en face, et tout à coup, ça nous tombe dessus. Mm. Ça ne peut pas être sans conséquence sur nos vies, ce n'est pas possible, parce que c'est beaucoup trop destructeur de l'ordre humain. Et on voit ça très bien quand on lit le livre La bombe qui a déclenché tout ça en France, en tout cas. C'est le livre La famille Agrande de Camille Kouchner. Et ce qu'elle décrit, ben, au départ, c'est le jardin d'Éden. Ils vivent tous, hein, c'est 68 ans, ils vivent tous tout nus. Oui. C'est l'innocence suprême. Hein. Et puis, il y a l'acte, il y a la transgression, il y a le crime. Mais finalement, on se rend compte que ça continue à vivre, vaille que vaille, cette famille. Il n'y a pas vraiment de conséquences directes sur la structure familiale. Et il faut attendre la parole, encore une fois. Mais une fois que la parole de la victime est dite, quel carnage! Quel carnage! Peut-être pour résumer, Camille Kouchner révèle l'inceste qu'a fait subir Olivier Duhamel, qui était donc le beau-père, à son frère jumeau. Et Olivier Duhamel avait une position très importante. Il a été ministre, il était directeur de Sciences Po, etc. Et il était très charismatique, très aimé. On va dire, c'était quelqu'un qui était intouchable. Intouchable. C'était le sacré. Hein. Encore une fois, c'est le sacré. Et donc, quand la parole de la victime se fait entendre, elle détruit le sacré, première conséquence. Deuxièmement, elle révèle les structures violentes, et notamment cette structuration sociale de l'inceste que Dorothée Ducy décrit dans son livre, et qui est quand même l'hypothèse la plus scandaleuse, la plus bouleversante qu'on puisse recevoir. On est complice de ça. Mais dans le livre de Camille Kouchner, on le voit bien, puisqu'il y a tout un microcosme de gens très importants, de présentations de télé, d'hommes politiques, etc., qui tournent autour d'Alain Duhamel, et qui étaient à un moment au courant. Mais personne ne dit rien, personne ne fait rien. C'est ça. Il faut que le livre soit publié pour que la bombe explose. Et ça me fait penser aussi que on peut étendre ça, parce que moi je trouve que l'inceste est un phénomène tout à fait extraordinaire pour décrire ce mécanisme justement. On est pratiquement dans le tabou le plus fort qui soit, et donc on est aussi dans les conséquences les plus dramatiques possibles quand ce tabou tombe. Mais on peut très bien extrapoler ça à d'autres phénomènes. Et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de la famille, c'est quelque chose du même ordre. C'est-à-dire que la famille reposait sur le patriarcat, ça c'est clair, mais aussi sur toute une série de lois et de mythologies. Hein. Et le féminisme, comme force de progrès d'une puissance incroyable, a complètement détruit toute cette mythologie. Mais le résultat et la conséquence de ça, c'est qu'on se retrouve avec de plus en plus de difficultés à se mettre en couple, à fonder une famille, à la garder le temps d'éduquer les enfants jusqu'à leur majorité, et on se retrouve dans un chaos, encore une fois, des structures et des valeurs familiales. Et quand vous dites ça, moi, j'arrive pas à comprendre où vous vous situez, en fait. Parce que cette vérité qui éclate, c'est très important. On peut pas la taire. Et d'ailleurs, si on reprend Gandhi, je suis désolée, la non-violence, c'est la quête de la vérité. Normalement, Satyagraha, c'est, il y a l'idée de vérité, force de vérité, etc. Je suis tout à fait d'accord. Et quand vous parlez comme ça, je me dis, mais il déplore que ça s'effondre ou il trouve ça bien, quoi. Je comprends pas. Alors, ça, c'est une très bonne question parce qu'on me traite souvent de vieux réac en disant, ouais, mais ce que vous essayez de faire, c'est rétablir finalement l'ancien ordre, puisqu'il n'y a que ça qui nous permet de survivre et d'avoir un ordre qui nous permette de faire société. Non, ce n'est pas du tout ma position. D'abord, parce que, ça je le répète très souvent, on ne revient pas en arrière. On ne peut pas recréer un ordre sacrificiel une fois qu'on a dénoncé sa violence. Ce n'est pas possible. Ça fonctionne seulement par le mensonge et la méconnaissance. Mais une fois qu'on sait le mensonge et la méconnaissance, c'est plus possible. Donc, on ne reviendra pas en arrière. Ça, c'est la première chose. Ah oui, parce que si on pourrait revenir en arrière, si on resacrifie quelqu'un... Ou... Non, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Mais parce qu'on sait que la victime est innocente. On le sait aujourd'hui. Donc, et ça, c'est vraiment... C'est ça que j'appelle la révélation. C'est ça qui détruit les structures violentes du monde. C'est intéressant parce que ça détruit non seulement les structures, on va dire matériellement, mais ça détruit spirituellement. Parce que je pense déjà, rien que l'exemple que vous donnez de Noé. Donc Noé, c'est quand même un héros biblique qui a été choisi par Dieu pour repeupler la terre. Et puis, sorti du déluge, sorti de son bateau, il viole son fils. Donc il est complètement démystifié, je ne sais pas qu'on peut dire. Mais c'est exactement ça, démystifié. Finalement, c'est une horreur. Mais on vient de le vivre. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu là avec l'abbé Pierre, qui pour moi, en plus, ma grand-mère et tout. Enfin, je veux dire, c'était un héros dans la famille. Et j'ai même cité dans mon podcast. Enfin, c'était quelqu'un dont je trouvais les colères salutaires, etc. Enfin, bon, vous voyez, tout d'un coup, on découvre qu'en fait, c'était un violeur. Voilà. Et ce phénomène de désacralisation, de désenchantement du monde, on le vit partout, dans tous les domaines, simultanément. Moi, je lis la Bible comme ça, et évidemment que je choque des gens parce que leur personnage sacré vient de se fracasser au sol en mille morceaux. Mais c'est vraiment ça, le phénomène de révélation, c'est ça qui fait. Il brise nos idoles en mille morceaux. Et c'est là qu'on se rend compte tout à coup qu'on avait besoin de ces idoles pour vivre. Donc on est dans une grande crise très destructrice, mais qui a aussi le bon côté que toutes ces structures violentes sont d'abord exposées. Donc finalement, on les connaît. Et on ne m'enlèvera pas de l'idée que pour s'en débarrasser, il faut d'abord les connaître. Et deuxièmement, ben, elles sont détruites. Oui, mais pour s'en débarrasser, voilà, elles sont détruites. Qu'est-ce qu'on peut mettre, enfin, là, Il n'y a pas besoin de faire autre chose, elles sont déjà détruites. À partir du moment où la statue de Noé est tombée par terre et s'est brisée en mille morceaux, on ne va pas la réparer. Elle est brisée en mille morceaux, c'est terminé. On ne va pas retailler une statue à Nicolas Hulot, à Patrick Poivre d'Arvor, ou à toutes ces idoles qui se sont cassées la gueule par terre les unes après les autres. Et toujours pour la même raison, la parole des victimes. Ça a une puissance de destruction, la parole des victimes, c'est incroyable. Moi, je pense, et c'est là que je suis optimiste, contrairement à ce qu'on me reproche souvent, je pense que la crise que nous vivons, qui est une crise de destruction de tous les mensonges mythologiques, du sacré, de toutes les idoles qu'on construisait pour nous aider à vivre, il faut le dire, hein, c'est à ça que ça servait, elle est nécessaire. Et que c'est justement cette crise qui a seule le pouvoir de nous faire choisir la non-violence. Et c'est bien parce qu'on retombe sur le thème principal de votre podcast quand même, la non-violence. Pour pouvoir être non-violent, il faut passer par le désert. Pour le dire autrement, il faut être dépouillé de toutes nos illusions et il faut arriver à regarder le réel en face. Et le réel, c'est cette violence cachée, cette violence que nous camouflions et cette violence dont nous étions tous complices. Donc, il faut pouvoir avoir le courage de regarder ça. C'est sur notre être que la crise agit. Moi, je vois ça vraiment comme un saut anthropologique. C'est ça qu'on est en train de vivre, je pense, aujourd'hui. Alors, bon, le niveau ontologique, spirituel, d'accord, mais comment agir dans la matière pour changer le cours des événements, qui est, semble-t-il, assez fatal quand on parle autant de destruction. Si on prend l'écologie, si on prend ce qui vient de se passer à Gaza, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le spirituel, ce n'est pas au même niveau que le matériel. Donc, le spirituel n'interdit pas l'action. Mais le spirituel va déterminer quel type d'action vous faites. Et je vais donner un exemple très simple. Justement, en repartant sur Gaza, je gère une fondation qui soutient les initiatives non-violentes en Belgique. Et parmi les associations qu'on soutient chaque année, il y en a une que je trouve magnifique, ça s'appelle Music Fund. Music Fund, qu'est-ce qu'ils font ? Ils récoltent des vieux instruments en Belgique, ils les réparent et ils les envoient dans des pays où il n'y a pas moyen de faire de la musique parce qu'il n'y a pas d'instrument. Et en particulier, ils vont dans des pays en guerre. Et j'ai jamais compris comment ils avaient réussi à monter une académie de musique à Gaza. Je veux dire, ils font des trucs extraordinaires. En faisant ça, c'est vraiment une initiative non-violente pour moi parce que c'est pas mal de remplacer les kalachnikovs par des violoncelles. Mais deuxièmement, ce qui est génial dans leur initiative, c'est qu'elles ne désignent pas le gentil et le méchant. Ils sont tout simplement dans un esprit de paix. La violence, ce n'est pas quelque chose qu'on met sur le dos de quelqu'un et on n'en retracera jamais l'origine parce que c'est quelque chose qui se balade dans le tissu des relations humaines. Et je pense que dès qu'on cherche à attribuer à un humain ou à un groupe d'humains l'origine de la violence, on est déjà dans le mécanisme sacrificiel. C'est-à-dire qu'on cherche déjà à l'expulser et à ne pas la porter nous-mêmes. Mais oui, mais là, en l'occurrence, quand il y a un génocide, ceux qui portent... Il faut le dire. Voilà. Il faut le dire. Parce que, et ça, Gérard en parle très bien, les génocidaires modernes, c'est des sacrificateurs qui s'ignorent. Comme ça ne marche plus avec un faible nombre de victimes, on va en mettre quelques millions. Ça fonctionnera certainement. Et ça fonctionne encore moins. Et alors, ils sont tellement écartelés entre, d'une part, la raison qui leur dit que ça ne sert absolument à rien ce qu'ils sont en train de faire et que c'est monstrueux et qu'ils vont devoir porter cette culpabilité, ce fardeau pendant des générations après ça dans leur pays. Et une autre voix, la voix sacrificielle, qui dit du sang, du sang, du sang. Ils sont tellement écartelés entre ces deux aspects que, d'après Girard, ils vont toujours chercher à masquer leur meurtre. Mais ce que ça m'inspire surtout, c'est de revenir aux fondamentaux, les fondamentaux de notre violence. Je crois qu'à la base, il y a quelque chose que j'appelle la rétribution. On est des êtres rétributifs. Tout ce qu'on reçoit, il faut le rendre. Donc si on reçoit un cadeau, ben, il faut le rendre, sinon on est très impoli. Si on reçoit de l'amour, d'une manière ou d'une autre, il faut le rendre. Et si on reçoit de la violence, d'une manière ou d'une autre. Il faut la rendre. Et tout ça, ça fonctionne suivant un principe monétaire, on va dire, c'est qu'il faut la rendre avec intérêt de préférence. C'est ce qu'on appelle la spirale de la violence, c'est un phénomène bien connu, dont des gens comme Gandhi ont parfaitement parlé. Hein. C'est le mimétisme aussi. Ben, c'est d'abord, ça a une origine mimétique, et ensuite ça explique pourquoi la violence dans une communauté donnée ne peut que croître. Et c'est vraiment tragique, ce phénomène mimétique qu'est la rétribution, c'est vraiment ça, la malédiction de notre espèce. Et c'est à cause de ça qu'on a besoin, à ce moment-là, du mécanisme victimaire pour, à un moment, remettre les compteurs à zéro. Mais en attendant, on est rétributif. Moi, je vois ça parce que je suis visiteur de prison. Donc, je vois des gens qui ont commis des actes d'une violence extrême. Les gens que je vois, c'est des 30 ans de condamnation ou perpétuité. Donc, on imagine qu'ils n'ont pas été distribués des fleurs à leurs victimes. Hein. Mais en parlant avec eux, on se rend compte qu'ils ont subi des très grandes violences aussi. Et alors, il y a une caractéristique humaine, c'est qu'on reçoit la violence. Bon, ça, on ne l'a pas demandé, hein, c'est pas, on n'est jamais demandeur. Mais on reçoit la violence et on va la rendre de deux façons qui ne sont pas très logiques, a priori. C'est-à-dire qu'on ne va pas la rendre immédiatement. Sauf quand on peut. Hein. Quelqu'un me donne un coup de poing dans la rue, je veux lui rendre un coup de poing dans la rue. Je veux dire, ça, c'est... Mais on n'est pas toujours en capacité de faire ça, et notamment quand on est un enfant. On n'a pas la possibilité de rendre cette violence tout de suite. On la rendra. On la rendra. Il n'y a aucun problème. Adulte, on la rendra d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, on n'est pas toujours capable de la rendre à la personne qui nous l'a fait subir. Mais ça, ce n'est pas un problème non plus. On trouvera quelqu'un. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut la rendre. Moi, j'ai discuté un jour avec une victime d'inceste qui m'a raconté son histoire. Pendant la plus grande partie de sa vie, elle est restée dans l'incompréhension totale de ce qui lui était arrivé, de la réaction de son entourage, etc. Elle ne comprenait pas. Et c'est comme très souvent... C'est vraiment les parcours classiques des victimes d'inceste. Elle avait passé des séjours en hôpital psychiatrique, on la trouvait instable, voilà. Mais elle a fait un travail incroyable, elle a réussi à se libérer de ce carcan, à avoir une parole, vraiment ce parcours de libération. Mais elle m'a dit, mais ce qui a été le plus douloureux pour moi, c'est quand je me suis rendu compte que cette violence que j'avais reçue, j'avais passé ma vie à la rendre. J'ai la réputation d'être... vraiment désagréable avec les gens, agressive, de leur envoyer des pics tout le temps, etc. Et je me suis rendu compte que je ne faisais que rendre la violence que j'avais reçue. Mais ça m'a fait tellement mal, parce que je me voyais comme une victime innocente. Et là, je me vois quelque part comme une courroie de transmission de la violence. Vraiment, ça c'est un des résultats du travail, quand on fait de la non-violence, du travail qu'on fait sur soi-même, c'est de se rendre compte qu'on est des transmetteurs de la violence. Donc là, on rejoint un peu le bug, cette idée qu'au fond, ce serait constitutif. Quel espoir si c'est dans notre nature humaine et qu'on a un bug ? Alors, l'espoir, mais je vais le dire très simple et courte. Hein. L'espoir, c'est que par la crise, et l'histoire que je viens de raconter avec les victimes d'inceste est un très bon exemple de ça, parce que les victimes d'inceste, c'est des gens qui vivent une crise toute leur vie, qui sont en danger de mort au milieu du désert toute leur vie. Et à partir du moment où ils ont traversé ça, où ils ont fait ce travail que certains, de plus en plus, heureusement, font et qui est extraordinaire, mais ils arrivent à sortir du désert. Et ce qui s'est passé dans ce processus, c'est que ces personnes ont pris conscience de leur propre violence. À partir du moment où on en est conscient, alors on peut faire le choix conscient de ne plus transmettre la violence. Et ça porte un nom. Ça s'appelle le pardon. Et le pardon, c'est le strict... négatif de la rétribution. Le pardon, la question du pardon, c'est quelque chose qui est inaudible pour certaines victimes, et on peut l'entendre. Comment pardonner à ce qui a détruit ta vie ? Il ne faut pas trop se poser la question, parce qu'alors on va tomber dans une interprétation du pardon qui est moralisatrice. Oui, voilà. Il faut pardonner pour être un gentil garçon, etc. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Ce n'est pas le pardon, ça. Le pardon, c'est un changement de notre être qui nous permet de nous libérer de notre réflexe, de notre bug dont on parlait, qui est la rétribution. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes. On n'a pas ce pouvoir parce qu'on n'a pas le pouvoir de changer notre propre nature. Un tigre peut faire plein de choses, mais il ne peut pas décider de changer ses rayures. Donc il faut quelque chose qui va prendre ce rôle de transformation de notre nature. Et moi, je pense que c'est la crise, c'est tout. Mais ce n'est pas une coïncidence. Je pense que si la crise se déclenche aujourd'hui, c'est parce que nous sommes prêts. Parce que nous avons tellement évolué dans notre rapport à la violence, que nous sommes prêts à subir la crise sans nous entretuer. C'est-à-dire qu'on est prêt à la révélation, quelque oui, part. Oui, exactement. Je pense qu'on est prêt à la révélation. Cette révélation qui nous tombe dessus, elle nous tombe dessus précisément maintenant parce qu'on est capable d'entendre la voix de la victime sans mourir, quelque part. Hmm. Est-ce qu'une structure basée sur l'amour pourrait exister plutôt qu'une structure basée sur la violence ? Moi, j'en suis absolument convaincu. On peut reconstruire sur une autre fondation. On va pouvoir renoncer à la rétribution et choisir le pardon. Et ça, c'est la clé pour reconstruire. À quoi ça ressemblera les nouvelles structures ? Je suis incapable de le dire et personne ne peut le dire. Comme on est encore dans l'ancienne manière de voir, on ne peut pas s'imaginer, ce n'est pas possible. Je vais prendre une métaphore, parce que je trouve qu'il y a une métaphore de ce processus de transformation qui dit exactement ce que ça signifie réellement, c'est l'accouchement. Mmh. On est des fœtus, et un jour, il y a quelqu'un qui vient nous dire « Attention, c'est pour bientôt la sortie. » Mais comment est-ce qu'on pourrait imaginer ce que c'est la vie dehors, hors de la matrice ? C'est pas possible. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'à un moment, ça commence à serrer, à pousser, et c'est très désagréable, et on se dit « Ouh là là, je vais en prendre. Ouais, » passez-moi l'expression, plein la gueule. Eh bien, je pense qu'on est dans les douleurs de l'accouchement et qu'on va en prendre plein la gueule. C'est le moment, j'appelle ça un moment singulier, hein, c'est un moment tout à fait incroyable, où tout ce qu'on croit connaître, toutes nos représentations du monde, toutes les lois qui régissent notre monde, tout ça, ça disparaît. C'est vraiment, j'emprunte un peu la formule à la physique, hein. Le trou noir, c'est le moment où ben, le temps, ça ne veut plus rien dire, la gravité, ça ne veut plus rien dire, l'espace, ça ne veut plus rien dire. On est dans un endroit singulier, vraiment. C'est l'endroit singulier de notre transformation. Merci beaucoup, Hervé Van Baren. Avec grand plaisir. Mother, the doctor knows something is wrong, 'cause my body has strange information. He's looked in my eyes and knows I'm not a child, but he doesn't dare ask the right question. Mother, my friends are no longer my friends, and the games we once played have no meaning. Gone serious and shy, and they can't figure why, so they've left me to my own daydreaming. What price to pay for bad wisdom? What price to pay for bad wisdom? Too young to know too much too soon, bad wisdom. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, vous pouvez soutenir mon travail en le partageant et en en parlant autour de vous. Et vous pouvez aussi me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet « Soutenir » du site force-nonviolence.fr. Je nous souhaite d'utiliser nos peurs, nos colères et nos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Ahimsa. Mother, your eyes have gone suddenly cold, and it wasn't what I was expecting. Once I did think that I'd find comfort there, and instead you've gone hard and suspecting. What price to pay for bad wisdom? What price?